Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui un des X-Men les plus populaires. Découvrons les origines du plus rebelle des héros Marvel, Wolverine, et son histoire avant les événements de la trilogie X-Men. Hugh Jackman reprend son rôle fétiche de héros au pouvoir de régénération convoité par l'armée et impitoyable jusqu'au bout des griffes. Après avoir intégré le programme militaire Weapon X, Wolverine n'a de cesse de retrouver ceux qui ont tué son père et la femme qu'il a aimée. Toutes ces tragédies que tu as vécues, ton père, ces guerres, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance. J'en veux d'autres. Gravé à quel nom ? Wolverine. Devient l'animal. Il vous a entendu. On va l'arrêter. Vous avez dépensé 500 000 000 000 à le rendre indestructible. Je sais qui tu es, Gambit. Je veux du sang. Pas de code de conduite. Pas de loi. X-Men Origins, Wolverine. Avec Hugh Jackman, un DVD Fox Pathé Repas.